comme une ville dans la ville, un minuscule état niché dans la cité romaine, tapis bien à l'abri derrière des murailles rouges, aujourd'hui, dans l'ombre du Vatican, dernier jour, lieu de fantasme, pape imaginaire. Et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vatican, nid de conspiration, pape maléfique, pape angélique, curie manipulatrice, Saint-Siège hypocrite, Rome éternelle, Saint-Père en fuite, le Vatican rêvé par la fiction. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina. J'ai eu peur d'être élu pape. N'oubliez pas que si le Vatican nous démasque, nous serons excommuniés. Alors, s'il y a le moindre contretemps... Oui, je sais. À Rome, le Vatican est partout. On finit toujours par retomber sur ses murailles rouges, buter sur une église ou s'attabler à côté d'un prêtre ou d'un cardinal. Le pape, lui aussi, est partout. Affiché dans les salons, au-dessus des lits, dans les boutiques ou les trattoria. Et la coupole de Saint-Pierre, on la voit aussi, presque de partout. Et puis même si on voulait échapper à son influence, de toute façon, l'Église romaine donne toujours aussi son avis sur tout. Mais le Vatican est aussi présent dans les têtes. Il alimente les visions des cinéastes et des romanciers. Il génère des romans policiers avec des espions machiavéliques issus des rangs du Saint-Siège, des nouvelles à tendance paranoïaque qui racontent une Église tentaculaire qui voudrait conquérir et convertir le monde, ou de la littérature anticléricale qui dénonce une Église superstitieuse et réactionnaire, ou encore des fantaisies où évoluent des papes imaginaires, angéliques, froids, innocents, sataniques, paillards ou tout simplement démons. Mais avant tout, c'est le Vatican qui fait rêver. Le Vatican dont on a forcément une image en tête, même si on n'y a jamais été. Monseigneur, il y a deux Vaticans, celui que l'on imagine et celui qui est. Je crois qu'il y a une grosse différence. Comme c'est un lieu fermé quand même, bah, c'est une matière à fiction, en fait. On tourne autour, mais on ne rentre pas. La première fois que j'ai vu le Vatican, c'est quand je suis arrivé à Rome, au printemps 1991. Mais je suis arrivé à la Villa Médicis, c'est-à-dire sur le Pincio, qui est donc le point opposé au Vatican et qui constitue comme l'autre, cet autre que l'on ne cesse de regarder. Philippe Artière. Pour moi, Rome, c'est un paysage. Et par conséquent, le Vatican, c'est une tache sombre qui s'obscurcit de plus en plus le soir. Et donc, à un moment donné, devient toute noire, alors que la ville continue à être un petit peu lumineuse. Ensuite, le Vatican produit une chose assez extraordinaire, dans la mesure où c'est un lieu de pèlerinage, en l'occurrence Saint-Pierre, ça produit une coloration de la ville, une coloration par les habits des religieux. La majorité des religieuses et des religieux sont soit en noir, soit en gris, soit en bleu, disons un bleu horizon. Et puis, ces gardes suisses, qui, ben justement, peut-être nous font signe, à un moment donné, Rome a été une ville colorée. C'est un paysage et en même temps, c'est un point de fuite. Ce lieu qui ne s'ouvre que par le tombeau de Saint-Pierre. C'est-à-dire que c'est toujours vers ce point que la majorité des visiteurs romains vont. Et paradoxalement, l'impossibilité de rentrer dans le Vatican. Parce que, à bien y réfléchir, peu de personnes rentrent dans le Vatican. On ne franchit pas la frontière. Et ça, c'est assez fascinant aussi. On tourne autour, mais on ne rentre pas. Alors vous avez séjourné une année à Rome, dans le cadre donc de la Villa Médicis, pour écrire donc deux livres, Vie et mort de Paul Génie et Reconstitution. Peut-être pouvez-vous nous raconter l'histoire qui est au départ de ce livre et ce que vous en avez fait. Alors l'histoire au départ de ce livre, c'est un fait divers, en 1925. un philosophe jésuite qui enseigne à la Grégorienne, qui est une université jésuite. Dans cette université, donc, enseigne un philosophe qui se trouve avoir été mon arrière-grand-oncle. Cet homme, un matin, se fait assassiner par un soldat italien. On est en 1925, donc c'est l'année vraiment où Mussolini prend le pouvoir. Un automne particulièrement violent. C'est la nuit de Florence, c'est l'ensemble des journaux de gauche incendiés, l'assassinat d'un certain nombre de militants de la gauche socialiste, etc. C'est ça au départ. Au départ, c'est Bambino Marchi, puisque c'est son nom. Bambino, c'est le prénom, c'est le prénom qu'on donne en fait au Christ avant qu'il n'aille au temple. Alors, ce jeune homme voulait assassiner un membre du clergé parce que quelques années auparavant, le curé du village avait annoncé à sa mère la mort de son frère sur le front. Or, son frère n'était pas mort, mais la mère s'est suicidée. Et donc, ça aurait été par souci de vengeance. Pour les historiens du fait religieux, Paul Gény a été assassiné parce qu'il a été pris pour l'émissaire entre le Vatican et Mussolini. Philippe Artier, vous avez donc fait une tentative de reconstitution, c'est l'objet d'un de ces deux livres, une reconstitution justement de cet assassinat de Paul Gény. Vous avez revêtu une soutane, comme vous l'avez expliqué, et vous avez rejoué et fait photographier cette mort de Paul Gény. L'idée de rejouer les deux dernières heures de Paul Gény, elle a été prise en fait dans le feu d'une expérimentation, celle de revêtir donc une soutane. Mais j'ai pas commencé par jouer, j'ai commencé par porter cette soutane comme on porte un nouveau vêtement, à s'y faire. Bon, et puis je suis descendu dans la ville. Et là encore, je ne vais pas réinsister sur le fait que marcher dans Rome avec une robe, c'est vraiment une expérience magnifique. Vraiment magnifique. Et puis, il se trouve qu'à la fin, je devais repartir à Paris le mardi soir. Je me suis dit, tu vas faire une chose. Tu vas là, non pas porter seulement la soutane, mais tu vas jouer Paul Gény. Tu vas le jouer dans ces deux dernières heures. Paul Gény avait eu la visite de son neveu et sa nièce. Il leur donne rendez-vous et il ne se trouve pas. Et donc il revient sur ses pas. Alors j'ai joué cet errement et quand il arrive à la Via Basilio, il croise ce soldat et donc ce soldat le tue. Et puis donc j'ai marché croisant là encore des militaires, des religieuses, enfin tout un ensemble de personnes. Jusqu'à cette rue. Et là, je me suis quand même retrouvé dans une situation que je n'aurais pas imaginé, c'est-à-dire se faire tuer. Qu'est-ce que c'est que se faire tuer ou jouer à se faire tuer? J'ai rejoué trois fois la scène. Bon, certains riverains regardaient, etc. Mais en même temps, Rome vivait, parce que les scooters passaient à côté. Cette expérience-là a modifié énormément mon rapport à cette ville et notamment à ceux qui l'habitent, c'est-à-dire cette incroyable présence du religieux. Puisqu'au fond, je n'ai cessé de porter la soutane tout au long de mon séjour. J'avais acheté une très belle soutane derrière le Panthéon. Bon, j'ai porté cette soutane 5 jours de suite. Le dimanche, je suis allé donc aux alentours du Vatican. Alors, le vendredi, j'y étais allé et j'avais pu rentrer dans Saint-Pierre. J'avais réalisé combien c'était un lieu liturgique particulier, puisqu'en fait, tout prêtre peut faire la messe dans une des chapelles. Donc, je m'étais dit, mais si jamais on me demande de faire la messe. Alors, vous désiriez savoir le train de vie d'un cardinal. Alors, je vais vous montrer sa garde-robe. Mais je crois que vous serez un peu déçu. 1983. Voilà. Alors, vous allez tout voir. Vous serez, comme je vous l'ai dit, un peu déçu parce que ça n'est pas ce que c'était autrefois. Mais si vous voulez savoir les différentes sortes de soutanes, voilà la soutane noire que nous portons habituellement ici à Rome. La soutane filetée, elle est à peu près pareille à celle que vous voyez sur moi. Alors, ce qu'il y a de plus typique, de plus cardinalique, disons, c'est la soutane rouge. Et alors, elle a ceci de spécial, c'est que jusqu'à Pie XII, la queue avait 7 mètres de long. Vous vous rendez compte? 7 mètres de queue, et il fallait un caudataire derrière pour la tenir naturellement. Alors, au-dessus de cette soutane qui sert pour les cérémonies religieuses, naturellement, alors on met le rocher, ce qu'on appelle cette chose en dentelle, et puis la rosette par-dessus, et en plus la croix pectorale. Alors, fermons la porte, bien curieusement, voilà. Et alors peut-être vous pouvez nous dire quel est le vêtement que vous préférez, que vous trouvez le plus beau dans tous les vêtements religieux que vous fabriquez chez Camarelli. Beh, il vestito per cui siamo famosi è la veste talare, la sottana. Alors leur point fort ici pour la société Camarelli, c'est vraiment la soutane, hein, et ils sont reconnus dans le monde entier pour l'excellence justement de leur soutane. Per le soutane. E che schifo è la buona soutane? Sono molti particolari, cioè i materiali usati. Alors il y a beaucoup de choses, hein, l'excellence des matériaux choisis, ensuite l'élaboration du vêtement qui est entièrement faite à la main, et ensuite évidemment la façon dont elle tombera sur le personnage. Donc, ça c'est une soutane justement? Si, questa è una sottana di pura lana. C'est une soutane donc de pure laine. È foderata. Elle est doublée. Les manches sont assez larges avec un revers qui est très haut. Voilà. L'uso, il vero motivo per cui si fa è perché la raison pour laquelle les revers sont si hauts est parce que le prêtre ordinairement donc a l'habitude de mettre son mouchoir là ou un petit linge pour s'essuyer le visage pendant la messe. Il n'y a pas de poche. Non, ci sono le tasche. Sì, ci sono anche le tasche. Sì, il y a aussi des poches, mais c'est plus commode sur la manche. Normalement, la soutane, on la porte avec des vêtements en dessous. Quello che uno vuole. Ce que chacun veut. Et donc, il y a d'autres tissus. Ce sont les tissus que vous utilisez pour faire les vêtements des cardinaux, des évêques. Sì, questi. I tessuti violetti sono per i vescovi, i rossi per i cardinali. Les violets sont pour les évêques, les rouges pour les cardinaux et le blanc pour le Saint-Père. Et qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre comme accessoire? Est-ce qu'on peut acheter aussi des chaussettes, des chaussures, les dessous, des chemises? Noi abbiamo tutto quello che può servire. Alors ils ont tout ce qui peut servir à un prêtre pour s'habiller. La camicia, la biancheria, le scarpe, le calze. Des chemises à la lingerie en passant par les chaussures et les chaussettes. Le nostre calze sono particolarmente famose, in particolare quelle rosse, perché. Alors, un de leurs points forts, c'est justement les chaussettes, et particulièrement les chaussettes rouges, hein, parce qu'on vient de partout dans le monde pour leur acheter des chaussettes rouges en fil d'Écosse, de grande qualité, et on se dit qu'on a les mêmes que les cardinaux et le pape. Et peut-être, pour finir, vous pouvez nous donner les noms précis des pièces, des vêtements sacerdotaux, parce que c'est tout un vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser quand on n'est pas, comme vous, un spécialiste des vêtements sacerdotaux. Lo zucchetto. Alors, comme chapeau, donc, y a lo zucchetto en italien, qui est la calotte en français. La beretta. La beretta, qui serait la barrette, à 3 ou 4 cornes, c'est ça? Di solito a 3. D'ordinaire à 3 cornes. Il cappello romano, cappello ecclesiastico, anche detto Saturno. Alors il y a aussi le chapeau ecclésiastique qu'on appelle aussi Saturne parce que c'est un peu comme les satellites autour de la planète Saturne. Ça c'est un chapeau à large bord pour protéger du soleil. Est-ce que tout le monde peut acheter quelque chose chez Camarelli? Est-ce que n'importe qui peut acheter une soutane? Non richiediamo una prova così. Non, ils demandent aucune ils ont aucune exigence particulière. Poi usiamo la nostra discrezione. Et ils sont très discrets quand même. Voilà, messieurs, vous voyez ? Voilà, très bien. C'est pour le culte divin. Il faut changer. Combien de boutons ? 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 et 23. Mais encore, voilà, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 32. Voilà. Quelle curiosité. Hein ? C'est très long à mettre une soutane. Alors se promener à Rome en soutane... C'est une expérience magnifique parce que Philippe Artière. J'ai réalisé combien cette ville était adaptée à ce vêtement. Une soutane, ça a, je crois, 24 boutons. C'est vraiment assez long à mettre. C'est vrai que mettre un corset autrefois, c'était quand même assez long. Maintenant, bon, c'est vrai que les vêtements qu'on porte, on s'habille en 5 minutes. Il y avait aussi ce plaisir de se revêtir. Et puis, ensuite, de marcher. La soutane, ça permet de marcher très très librement. C'est quand même une forme de travestissement. Et que Rome autorisait. Ça c'était amusant. Que le lieu du travestissement soit le lieu du religieux. Et puis, c'est un vêtement qui fait ressortir deux choses, en fait. Le visage et les mains. Alors, le visage, il doit être souriant. Hein, selon les textes, en fait, la soutane et cet habit noir, il doit mettre en évidence le visage et effacer le corps. Et un visage qui soit avenant, souriant, qui soit le visage d'une forme de béatitude. Quand je dis porter la soutane à Rome, c'était magnifique, c'est aussi parce que Rome a ce pouvoir extraordinaire de vous engloutir. Grâce à la soutane, je me suis fondu dans cette ville. Présentation de mode ecclésiastique. Modèle numéro 1. Patience en satin noir, un modèle classique destiné aux sœurs novices. Le même modèle peut se faire sur commande dans un autre tissu, aussi bien soie que laine selon la saison. Les petites bottes sont en cuir édin de deux tons, noir et marine, pour climat très rigoureux. Modèle numéro 2, tourterelles immaculées, cornettes empesées aux ailes aérées, convenant au lieu manquant d'aération. Passons au modèle sport, au paradis toujours plus vite. Cette séquence est certainement une séquence mémorable de l'univers de Fellini. Jean Gilly. Il faut quand même placer la chose dans le contexte, ce défilé de mode ecclésiastique, on l'a dans un film qui s'appelle Roma. Il ne faut pas oublier que Fellini a toujours regardé Rome de l'extérieur, c'est pas un Romain. Et donc il est toujours resté un peu le spectateur d'une ville qui se donne en spectacle. C'est une ville de représentation. Et parmi les éléments qui sont par excellence une représentation, il y a l'église. Le décor des édifices religieux, la liturgie, qui est quand même un grand spectacle. Bon. Alors, dans cette séquence, au début, il y a chez lui un peu du caricaturiste qu'il est, par ailleurs, hein, en représentant des religieuses qui portent des cornettes, qui battent l'air comme des ailes, en représentant des prêtres de campagne avec des sortes de houppelandes qui évitent d'aller frotter contre les roues de la bicyclette. Et petit à petit, et c'est en cela que son art a quelque chose de magistral, petit à petit, la chose se détache de la représentation concrète de ce défilé de mode pour devenir une sorte d'apothéose figurative, pour finalement exprimer une beauté qui devient une beauté de signification quasi surnaturelle. Et conclusion logique de ce défilé de mode, conclusion logique de cette montée en puissance en quelque sorte, la séquence se termine par l'apparition du souverain pontife, en majesté. Donc Fellini finit par succomber lui-même au charme de sa propre représentation. Il devient lui-même le premier spectateur de la magie qu'il vient de créer pour aboutir finalement à cette célébration de l'image religieuse par excellence, la plus haute, celle du pape. Quand on regarde cette scène, Jean Gillet, on voit aussi une certaine représentation de la mort, c'est-à-dire que cette aristocratie qui est spectatrice, et puis ces personnes qui défilent, au fur et à mesure, on a l'impression d'une sorte de décomposition, des visages blafards, et il y a aussi quelque chose d'assez morbide. C'est-à-dire que l'Église, elle est là pour accompagner les vivants, mais d'une certaine façon pour les préparer à la mort. L'Église repose sur un fondement extrêmement dramatique qui est le sacrifice du Christ. Donc, même lorsque l'Église célèbre ses pompes et ses œuvres, il y a toujours un arrière-plan qui est celui de la mort. Donc, ces aristocrates, cette noblesse noire, c'est-à-dire cette noblesse vaticane qui suit la représentation, ce sont effectivement des gens comblés d'honneur, comblés d'âge aussi. Ce sont des vieux. Et même le pape, quand le pape apparaît dans cette dernière image, c'est un vieil homme, décharné. Fellini, peut-être, quand il représente ça, c'est le comble de l'apothéose, mais comme si c'était les trompettes de la mort. Éminence, merci. Oh, merci. Princesse. Allons, allons, cela fait tant plaisir de vous revoir tous. Vous allez tous bien, grâce à Dieu. Éminence. Toi, tu es Francesca, n'est-ce pas? Oui, je suis Francesca. Ah, mes yeux ont vieilli. Oh, mais c'est Philippetto. Comment vas-tu? Nous nous connaissons. Je t'ai fait faire ta première communion. Maintenant, allez vous coucher. Hein? Bonne nuit. Bonne nuit, mes petits. Et que Dieu vous bénisse. Si votre éminence veut bien s'asseoir. Que c'est loin, tout ça. Tout a tellement changé. Tout le monde se connaissait. Les évêques, les cardinaux, le pape, tous étaient de nos amis, de nos parents. Que de grandes fêtes on donnait alors, dans les villas, palais. J'en vois ces cardinaux vêtus de pourpre qui allaient et venaient. Sì, ho lasciato. Metti la mano sotto. Metti la mano sotto, vabbè. Perché c'è la macedonia. Sì. Peperone, melanzane, zucchine, broccoletti romaneschi, pomodorini, cetrioli, basilico. Le Vatican, c'est un monde à part, séparé du reste de la ville, qui est nommé sur l'autre rive. L'essentiel de Rome se trouve sur la rive gauche. Il y a d'ailleurs des cinéastes, j'aimerais le rappeler, qui ont un peu tourné le dos au Vatican. Quand Torrescola tourne un film qui, dans le fond, est un peu le pendant du roman de Fellini, lui, son film s'appelle Gente di Roma, les gens de Rome, eh bien, à aucun moment, il n'est fait allusion au Vatican. Alors que Fellini, au contraire, pour lui, le Vatican, c'est quelque chose qui pèse sur les Romains, dont on ne peut pas se détourner, et à l'égard duquel on peut aussi exprimer une certaine ironie. Il ne faut pas oublier que le Vatican, bon, il apparaît dans la Dolce Vita, la fameuse visite de Saint-Pierre par Anita Ekberg et Mastroianni qui lui sert de guide pour la conduire au Vatican et notamment pour grimper dans la coupole de Saint-Pierre. On a parfois dit que cette représentation avait quelque chose de blasphématoire, c'est-à-dire Anita Ekberg qui est vêtue en prêtre. Donc, dans l'imaginaire populaire, la présence de la religion, la présence de la papauté est quelque chose d'extrêmement fort. D'ailleurs, l'image du pape est dans beaucoup de foyers en Italie. C'est bien. Oh, it's so crooked. Did you know there are 700 steps here? Behind the church. C'est bien, please. Incredible. Just incredible. Où est-ce qu'elle est passée? C'est pas une femme, c'est un ascenseur. Fellini a saisi tout ça. Fellini est d'origine modeste. Et j'imagine que ce garçon qui arrivait d'une petite ville balnéaire, Rimini, sur la côte adriatique, qui arrivait à Rome et qui découvrait cette Rome aux centaines d'églises, cette omniprésence. Et en plus, je suppose qu'à la fin des années 30, l'omniprésence de l'église était certainement beaucoup plus forte. Elle reste encore très grande aujourd'hui, mais enfin, à la fin des années 30, elle devait être extrêmement envahissante. D'ailleurs, parfois, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une espèce de concours entre le gouvernement fasciste et l'autorité pontificale pour mettre le plus de signes dans la ville. D'un côté, les faisceaux, de l'autre côté, les croix. Et Fellini a grandi là-dedans, quoi. Et dans Amarcord, on voit bien que les personnalités les plus marquantes, c'est le prêtre et ce sont les dignitaires fascistes. Et alors, Don Camillo ? Seigneur, je vous ai appelé si souvent depuis bientôt 3 ans, et vous ne répondiez jamais. Et maintenant, j'entends de nouveau votre voix. On est plus près de Dieu ici qu'à Rome. Don Camillo, Dieu est partout à la même altitude, mais ici, c'est toi qui es plus près de toi-même. Seigneur, je suis devenu une grosse légume. Ils ont fait de moi un monsignor. Tu le méritais bien, après tout ce que tu as souffert. À partir de 1945, c'est-à-dire à partir du moment où le cinéma italien, se libérant du fascisme, retrouvant une liberté de création dont il n'avait pas pleinement joui pendant les années 30, une des raisons, justement, de cette capacité à tourner un peu le dos à l'Église, c'est aussi dû au fait que, quand même, la grande majorité des cinéastes sont soit directement membres du Parti communiste, soit en sont proches. Donc, résultat, dans cette Italie qui reste profondément marquée par la religion, le cinéma va un peu faire comme si elle n'était pas là. Et dans le fond, on peut se demander si dans les années 50, le triomphe de Don Camillo, triomphe en France, mais enfin surtout triomphe en Italie, et le combat entre Pépone, maire communiste, et Don Camillo, prêtre à la tête d'une paroisse dans une petite agglomération de la vallée du Pô, si dans le fond, c'était pas un peu une revanche que de montrer, attention, vous avez fait comme si les prêtres n'étaient pas là, mais en réalité, ils étaient là, et comment ? Mais il n'empêche que, d'une certaine façon, Fellini va retrouver, va redonner, il ne sera pas le seul d'ailleurs, hein, mais va redonner à la représentation de la religion une place qu'elle avait un peu perdue dans le contexte général du cinéma italien. Pour la liturgie, on est d'accord. Et pour le reste, on a encore une semaine avant la cérémonie. À mon avis, si on est efficace, il suffira d'une séance à la chapelle pour scénographier in situ. Scénographier ? Ouais, ou une répétition générale, si tu veux. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça comme de la scénographie. L'Annonciation, c'est cet espace impossible dans lequel la parole de Dieu s'incarne brusquement. Il faut rendre tangible, perceptible dans l'espace ce moment de transcendance. On sera trois. Alors, imaginons une structure ternaire. J'officie au centre, Corentin à gauche, Guillaume à droite. Vous pourriez avoir un mouvement demi-cercle, l'un par là, l'autre par là. Merci. Bon, moi, je fais comme ça. Mais je peux le faire comme ça aussi. Il y a plein de manières de le faire, mais il faut que ce soit inspirant. Guillaume, t'essayes ? Ouais. C'est pas mal, mais il y a un truc que je sens pas dans la manière dont tu le fais. Il faut y croire vraiment, c'est pas juste technique. Il faut investir totalement le geste. Et pour ça, il faut avoir le cœur et l'esprit dégagé, pur. Et là, je sais pas, je sens qu'il y a comme une ombre entre nous, que ça te perturbe, ça me perturbe aussi. Alors, la série vient de son producteur, en fait, d'abord, Bruno Naron, avec cette idée de... Frédéric Poimiro. De faire une série sur l'Église, sur des prêtres... et plutôt sur la société contemporaine vue du point de vue de l'Église et des prêtres. Et on a travaillé ensemble pour aboutir à ce concept, on va dire, d'une histoire qui se raconte depuis un séminaire. Donc en fait, pas des prêtres, mais des gens qui se préparent à devenir prêtres, et qui donc se posent toutes les questions que ça implique. Et pas seulement les intrigues intimes, pas seulement les intrigues sociales, mais aussi les intrigues politiques qui remontent donc jusqu'au Vatican. Donc voilà. Le jeune homme qui aujourd'hui s'engage sur cette voie, et il est un peu en voie de disparition. David Elkaïm. Là, quand même, il y a quelque chose d'un peu étrange, enfin, en tout cas pour moi qui suis athée, c'est une vraie, vraie question. La radicalité de leur choix peut être un peu surprenante, et en même temps, au bout d'un moment, on arrive à trouver le point qui ressemble à nous. Et donc, notamment dans cette question de quand on a de l'écart entre l'idéal qu'on se forme dans son coin, quand on est jeune, quand on regarde de loin une institution, par exemple, dans laquelle on veut rentrer parce qu'on pense que avec elle, on pourra faire des choses dans le monde. Et c'est vrai, ça peut être vrai de l'éducation nationale, de la politique. Et que quand on y arrive, on s'aperçoit que cet endroit-là qu'on avait idéalisé, il est truffé de contradictions. Et il nous demande, si on veut pouvoir s'en servir, de sacrifier des choses. Et jusqu'où on est prêt à sacrifier des parts de notre idéal pour arriver à rentrer dans cette institution et y faire ce qu'on aurait voulu y faire. Et en même temps, on s'en retrouvera prisonnier. Voilà. C'est des questions comme ça qui nous ont aussi intéressés sur nos personnages. Alors, on a un personnage, un jeune homme, Yann, Lemegger, voilà, qui vient de Bretagne, qui est un jeune homme qui a fait du scoutisme, en gros, qui a suivi un petit peu le chemin le plus juste pour arriver à un jour avoir une révélation. C'est le personnage qui est, d'une certaine manière, le plus proche de ce que sont les séminaristes réels. Voilà. Au fond, il ne voit pas le mal. Hein, lui est un personnage qui est entièrement tourné vers le bien. Il y a Raphaël, donc Raphaël, c'est lui, pareil, il est sociologiquement, il fait partie des milieux qui alimentent traditionnellement l'Église catholique, c'est-à-dire c'est la grande bourgeoisie traditionnelle catholique française. Et donc lui, il a plutôt choisi le séminaire comme un moyen de fuir la pression justement très libérale et financière du destin que lui promet sa famille. Et à l'intérieur des Capucins, il va très vite se retrouver lui-même appelé vers l'élite. Donc c'est un paradoxe d'un personnage qui tente de fuir le pouvoir dans l'Église et qui va retrouver le pouvoir dans l'Église. Comme troisième séminariste, on a Guillaume qui aurait pu être travailleur social. Il se trouve qu'il a eu une révélation et, comme les autres, qu'il s'est engagé sur le chemin de la religion et notamment de la prêtrise. Il a un souci dans ce lieu, dans cette institution, Guillaume, c'est qu'il est homosexuel. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il doit cacher. Et enfin, on a le dernier personnage qui est le personnage le plus romanesque, en fait, qui est José, qui est celui qui a un passé lourd, il a fait de la prison, et il a eu lui aussi, en fait, une révélation, c'est un peu à l'image de Saint-Augustin, en fait. Il a un rapport à Dieu qui est un rapport extrêmement complexe, et en d'autres temps, ça aurait pu être un prophète. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva. Rodolphe et Vincent, vous êtes tous les deux alors séminaristes, vous êtes étudiants. Alors moi je suis dans une entre deux chaises, on va dire, parce que je vais être ordonné prêtre en juin et j'étais ordonné diacre. Donc je suis étudiant encore en théologie. Et alors comment est-ce qu'on se retrouve dans un parcours comme ça de clerc? Comment est-ce qu'on se retrouve à Rome? Ça, c'est notre évêque qui décide, notre supérieur qui décide de nous envoyer ici pour continuer à se former. Enfin, moi, je n'ai pas choisi, on m'a pas dit, je n'ai pas demandé à venir ici. On m'a dit, ce serait bien pour tes études de venir à Rome pour te former. Moi, je suis à ce qui s'appelle l'université grégorienne, où donc, j'ai des cours, on a un amphithéâtre de 150 personnes. Donc, c'est un peu comme la fac en France, c'est une faculté de théologie. Mais il y a 150 personnes et il y a 60 nationalités. En face de moi, j'ai un Chinois, derrière moi, j'ai un Allemand, à côté de moi, un Polonais, j'ai un Australien. On parle tous en italien. Et pour vous, c'est important aussi, justement, d'être à Rome, dans la ville du Saint-Siège, près du Saint-Père. C'est quelque chose qui a une signification aussi? On plonge un peu dans l'histoire de Rome et dans une histoire de sainteté, finalement, de grande figure. Quoi. Et ça, on peut le vivre en étant ici, pendant 2 ans, 3 ans. Quoi. Nous, on a le temps pour goûter cette ville. Goûter la chaleur, goûter un bon café, goûter un beau Caravage, aller parcourir quelques églises et puis s'arrêter, c'est tout. Et je trouve ça c'est une vraie grâce d'être à Rome pour ça. Vous dites que vous êtes toujours frappé finalement par la perception qu'ont les gens du Vatican quand ils sont à l'extérieur. Parfois moi-même, on peut mythifier justement le Vatican en disant un lieu de pouvoir important, une administration hyper centralisée, et de voir que, en visitant ce qu'on appelle les ministères, les dicastères, finalement, de voir qu'il y a une grande simplicité de moyens. Voilà, il y a une dimension en fait beaucoup plus décentralisée qu'on peut peut-être le percevoir. Oui, puis il y a toujours cet aspect mystérieux, c'est-à-dire que souvent les gens, quand ils s'intéressent au Vatican, c'est toujours ces questions de mystère, de secret qui dominent. Et ça, c'est des choses, quand on est sur place... Moi, je vois plutôt l'aspect de discrétion, en fait. Un devoir de réserve. Un devoir de réserve. Et puis d'éviter, la rumeur aussi, c'est jamais très bon. Donc de dire, quand il y a quelqu'un qui parle, c'est une parole autorisée, comme ça c'est clair, on le sait. Je dirais, c'est plutôt une discipline saine. Non pas pour contraindre, mais plutôt pour éviter des rumeurs infondées. Ou j'irais parfois aussi, il y a un temps de maturité, de maturation. J'irais, on voit dans toute société, on voit en France aussi, où parfois les petites phrases, finalement, ça fait du mal, et ça aide pas à avoir un climat qui soit paisible. C'est ça, c'est le rapport au temps qui n'est pas le même aussi. Parce que on est maintenant dans une culture de l'immédiateté. On pense connaître en ayant une information immédiate. Et le temps de l'Église, c'est pas le temps de l'immédiateté, c'est le temps de quelque chose qui se développe. Voilà, à travers les siècles, c'est une discrétion aussi pour respecter le chemin personnel de chacun. Et je pense que ça participe, entre autres, effectivement, à créer ce climat un peu de... ou ce désir de connaître des secrets du Vatican. Et comment vous vivez, justement, le regard que peuvent avoir, en tout cas, certains laïcs sur le Vatican? C'est-à-dire cette vision un peu paradoxale, c'est-à-dire à la fois c'est le lieu de l'angélisme, le lieu du pape, et puis le lieu du mal, du complot. Ce paradoxe, en fait, il reflète le paradoxe du cœur des hommes aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que la parole du pape, elle est attendue par beaucoup de monde, en fait. Elle a un poids qui est assez étonnant, en fait. Et puis d'un autre côté, il y a ces légendes un peu de conspiration, cette idée que c'est un super pouvoir hyper puissant. Ben, je pense que le problème, c'est que si reconnaître, je dirais, la cohérence et la simplicité de ce qu'est réellement le Vatican aujourd'hui, bah c'est de voir aussi reconnaître la valeur de la parole qui est donnée. Et c'est une parole qui peut déranger, comme la parole du Christ, elle dérange, elle met en mouvement. Puis on voit aussi depuis le début de l'histoire de l'Évangile, quand on regarde dans la Bible, eh bien c'est une histoire humaine ou une histoire de rencontre entre Dieu et l'homme et qui est faite aussi bien de péché. Quoi. Il y a des choses qui sont sales, qui sont pas belles, et en même temps d'autres choses qui sont magnifiques. Et donc aujourd'hui, on continue à vivre cette histoire. Quoi. Et donc à Rome, c'est pareil, Rome n'est pas un endroit pur et parfait, et je dirais, il y a des hommes qui y travaillent, qui sont présents, et je dirais, il y a toutes les figures. Quoi. Et parfois, il y a une grande attente aussi vis-à-vis des chrétiens, de dire, on attend à ce que vous soyez parfaits. À Rome, il y a aussi bien, je dirais, Satan qui est présent, le mal, que des choses qui sont magnifiques. Vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous pensez que l'esprit que nous tentons d'insuffler à ce séminaire depuis la rentrée pose problème, nous vous écoutons. Je vous demande pardon, nous n'avons rien dit de tel. Alors qu'avez-vous dit ? Dominique, nous sommes là pour écouter. Ils viennent à la rencontre de Jésus, et ils s'y sont sentis appelés. Rencontrer quelqu'un, c'est aussi accepter ce qu'il fait bouger en nous. Jésus, on s'y frotte. Il nous rabote un peu, n'est-ce pas ? Ça fait un peu mal au début, et c'est normal. Êtes-vous prêt à tenter l'expérience, jeune homme ? Et alors justement, on arrive avec cette série, on pénètre au Vatican, on fait la rencontre du pape. Qu'est-ce que vous aviez en tête comme imaginaire ? Comment vous voyez ça, ce Vatican ? Parce que quand on regarde la série, en tout cas pour la première saison, on a cette image assez traditionnelle finalement d'une curie très noire, c'est presque la mafia. Parce qu'on a tous comme ça une image du pape, du Vatican. C'est vrai que moi, donc, je viens d'un milieu catholique de gauche. Catholiques sociaux, Frédéric Poimirou. On ne regarde qu'à l'endroit qui les intéresse, c'est-à-dire qu'en gros, on parle très peu de pouvoir, en fait. Évidemment, donc l'endroit du Vatican est soigneusement repoussé aux franges de la conscience, comme ça, on n'en parle jamais. Donc c'est vrai que moi, j'avais comme ça un peu un interdit de pensée. Nous, le Vatican qu'on a essayé de présenter, c'est un Vatican, évidemment, qui est un Vatican de fiction. Hein. On s'est rendu compte assez vite aussi, d'ailleurs, que sur les gens qu'on interrogeait, tout de suite aussi, c'était « Non, non, mais le Vatican, c'est pas du tout ce qu'on dit. Puis le luxe, le pouvoir, c'est pas vrai. Puis, de toute façon, l'Église a plus d'argent. » Enfin, il y a un discours premier de tous les gens, on va dire, de terrain, qui confirmait un peu ça. Et à force d'entendre un peu toujours la même chose, évidemment, on a envie d'y aller voir, quand même. Et quand on regarde, alors, on n'a pas été... s'infiltrer au Vatican comme ça, mais quand on se documente, on s'aperçoit que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et que le Vatican, c'est effectivement une institution vieillissante, qui gère des choses très complexes, donc des tensions, etc., mais que quand même, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu d'influence, et que aussi bien dans la société française que voilà sur la scène diplomatique mondiale et sur la scène symbolique, on va dire comme ça, le pouvoir quand même que l'Église en tant qu'institution continue à avoir en France et dans le monde. Donc voilà, on s'est dit on va faire un Vatican qui n'est pas le Vatican qui existe, mais qui est un Vatican possible. Alors voilà notre pape. On a choisi cette figure comme ça d'un pape qui à la fois est assez dépassé, mais de toute façon il faut faire avec lui. Et il y a eu ce moment effectivement très où on s'est dit voilà ce pape en fait alors que le monde est un peu en train de se déchirer, qu'il y a des chrétiens de Chine qui sont lui il est obsédé par une chose, il est obsédé par ses rêves en fait et il a sa gouvernante voilà qui l'aide à interpréter ses rêves et c'est vrai qu'on s'est dit à un moment donné il y a eu un moment où on s'est dit on pourrait avoir un rêve du pape. Voilà, je sais pas pourquoi ça nous est venu comme ça, ce rêve du pape qui voit un indien des plaines, hein, un vrai indien comme ça, qui lui parle. On va quand même avoir accès à son inconscient. On suppose que le pape est un être humain. Il a un inconscient, ça prend des chemins un peu tortueux, mais finalement, ça a des effets dans la réalité. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se l'a raconté. Hein. Sa sainteté a fait un rêve que Sor Amalia a interprété avec sagesse, dirons-nous. E allora ha detto che c'era un uomo imprigionato dentro di me, un uomo celeste, e che per liberarlo dovevo disfarmi di miei abiti. È qualcosa? nella vostra vita. A cui non volete rinunciare? E il significato di questo sogno? E Gesù vi chiede di farlo. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait cette tradition comme ça qui est très ancrée d'une vision finalement très sombre de la curie, du Vatican et de l'entourage du pape ? Parce que c'est une place symbolique très importante, donc elle est à la fois fantasmée, mystérieuse, on sait qu'il y a des luttes. Donc forcément, ça représente un endroit dont on sait que, obscurément, des choses essentielles s'y jouent. Mais on sait bien que tout en haut, hein, ça vient de l'enfance aussi, hein, il se passe des choses pas claires dans la chambre, par là-bas. Hein, donc forcément, dans la chambre du pape, forcément, c'est-à-dire du sommet par excellence de la pyramide, forcément, il doit se passer des trucs pas clairs. Peut-être que, en fait, dans la réalité, c'est très fade, il n'y a rien du tout. Mais dans l'inconscient, voilà, c'est Barbe Bleue, quoi. Donc n'ouvre pas cette porte derrière, c'est sûr que... C'est fermé pour ça d'ailleurs, en fait, pour faire fonctionner l'inconscient. La fiction du pouvoir est toujours une fiction d'une forme de voilà, d'ogre qui dévore ou qui est pris par ses passions. Et donc on choisit toujours de nous mettre de ce point de vue-là quand on fait une fiction du pouvoir. Élevé au Collège des Nobles, Pio Boccanera n'avait quitté Rome qu'une fois, très jeune. Depuis 4 ans, il était camerlingue et l'on racontait tout bas que Léon XIII l'avait choisi pour cette charge comme Pie IX autrefois l'avait choisi lui-même afin de l'écarter de la succession au trône pontifical. Et l'on disait encore que la lutte sourde continuait, comme sous le règne passé, entre le pape et le camerlingue, ce dernier à l'écart, condamnant la politique du Saint-Siège, d'opinions radicalement opposées en tout, attendant muet, dans le néant actuel de sa charge, la mort du pape, qui lui donnerait le pouvoir intérimaire jusqu'à l'élection du pape nouveau, le devoir d'assembler le conclave et de veiller à la bonne expédition transitoire des affaires de l'Église. L'ambition de la papauté, le rêve de recommencer l'aventure du cardinal Pecci, camerlingue et pape, n'était-il pas derrière ce grand front sévère, dans la flamme même de ses regards noirs ? Son orgueil de prince romain ne connaissait que Rome. Il se faisait presque une gloire d'ignorer totalement le monde moderne. Et il se montrait d'ailleurs très pieux, d'une religion austère, d'une foi pleine et solide, incapable du plus léger doute. Extrait de Rome d'Émile Zola. Jean-Baptiste Amadieu, est-ce que peut-être vous pouvez pour commencer nous essayer peut-être de nous brosser à grands traits l'histoire de la littérature critique envers la papauté, envers le Vatican? C'est une littérature qui a une longue tradition. Il faut remonter au moins au siècle des Lumières avec une littérature philosophique et de ce fait anticléricale. La critique, elle est bien sûr d'abord idéologique. Ce qui est critiqué, c'est le fanatisme, la superstition. Mais la critique également est d'ordre plutôt sociologique, sur le fonctionnement d'institutions jugées archaïques, autoritaires. N'oublions pas que la papauté est, au XIXe siècle, encore une monarchie de caractère, on pourrait dire, absolutiste, puisqu'il n'y a pas de constitution avant que le pape Pie IX décide de donner une sorte d'embryon de constitution à cette monarchie. Et enfin, la critique est d'ordre psychologique, c'est-à-dire c'est l'emprise du clergé sur les mentalités, la direction de conscience. Cette littérature s'inscrit dans des circonstances très particulières, bien sûr. L'Église du XIXe siècle, c'est une Église qui a encore l'intention de gouverner les âmes. Le contexte aussi a changé du point de vue de la pensée anticléricale, puisque au XIXe siècle, il y a encore cette foi en la science, cette science dont on pense qu'elle va éliminer progressivement la religion catholique, plus généralement toutes les religions, pour faire advenir, selon Victor Hugo, la religion avec un grand R, qui serait la religion de l'humanité et de la science. Donc le contexte intellectuel n'est pas le même, et bien sûr le contexte politique. Donc le contexte au XIXe siècle est celui du mouvement révolutionnaire en faveur de l'unité italienne, que le pape essaie de contenir, enfin, jusqu'à ce qu'il perde cette royauté temporelle en 1870. Le contexte français, c'est celui de la laïcisation progressive de la société, notamment après 1870 et les lois contre les congrégations, la loi sur l'enseignement et jusqu'à la loi de 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État. Oui, parce que jusque-là, Jean-Baptiste Amadieu, la plupart des enfants, la plupart de la jeunesse étaient finalement formés par le clergé. Et c'est finalement toute cette réforme de l'enseignement qui veut mettre à bas un système qui était là en place depuis très longtemps et qui fait qu'effectivement l'Église perd finalement de son influence sur la jeunesse. C'est ce qu'on appelle le pouvoir spirituel, le pouvoir sur les esprits, qui est le propre de l'Église, par distinction du pouvoir temporel, qui est celui du prince, du roi ou, dans une situation plus moderne, de la République. Et puis il y a aussi peut-être un événement fort dont il faut parler, qui aujourd'hui nous paraîtrait peut-être anecdotique, mais c'est le fait que les jésuites sont finalement chassés de France. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut évoquer aussi. Oui. Et le remettre dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, bon, finalement, personne ne se souvient. Voilà. Mais le problème des jésuites aussi est très ancien, puisque déjà au XVIIIe siècle, l'ordre avait été supprimé. Les jésuites ont effectivement beaucoup d'établissements d'enseignement. Ils exercent une grande influence sur la jeunesse. Et cette influence des jésuites, elle est bien sûr très mal perçue par le gouvernement, mais également par une partie de l'Église de France. Pourquoi ? Parce que l'ordre des jésuites dépend directement de Rome. Donc, quand on parle effectivement du Saint-Siège, il y a ce relais qu'est l'ordre des jésuites. Et on parlait parfois du pape noir. C'est le général des jésuites. Et cet ordre jésuite est réputé un peu conspiré et, de ce point de vue-là, est très mal perçu. Les jésuites. Vous croyez les connaître et vous ne vous doutez seulement pas de leurs œuvres abominables ni de leur incalculable puissance. Il n'y a qu'eux, partout, toujours. Dites-vous cela dès que vous cessez de comprendre, si vous voulez comprendre. Quand il vous arrivera une peine, un désastre, quand vous souffrirez, quand vous pleurerez, pensez aussitôt, ce sont eux, ils sont là. Je ne suis pas sûre qu'il n'y en a pas un sous ce lit, dans cette armoire. Oh, les jésuites, ils m'ont dévoré, moi, et ils me dévorent. Ils ne laisseront certainement rien de ma chair, ni de mes os. Ici, c'est le refuge, c'est l'asile. Ils exècrent son éminence, qui n'a jamais été avec eux. Mais ils n'ont point encore osé s'attaquer à elle, ni à ses gens. Oh, je ne m'illusionne pas, ils me rattraperont quand même. Peut-être sauront-ils notre conversation de ce soir, et me la feront-ils payer très cher. Ils m'ont volé tout le bonheur. Ils m'ont donné tout le malheur possible. Tout. Entendez-vous bien ? Rome, d'Émile Zola. Ce qui est intéressant, Emmanuel Cray, c'est que finalement, dans la littérature du XIXe siècle, on retrouve beaucoup de jésuites comme ça, très malfaisants, mais au sein d'une littérature qui est aussi finalement très anti-vaticane, très anticléricale. Alors peut-être il faut remettre dans le contexte ce courant de la littérature du XIXe siècle. On peut penser à Zola, au Goncourt, à Eugène Sue, qui est finalement un courant très anticlérical globalement. C'est sûr qu'à partir des années 70, en tout cas, notamment après la Commune et l'instauration finalement de la République républicaine, hein, il ne faut pas oublier que Gambetta, son mot d'ordre, c'était le cléricalisme, voilà l'ennemi. Donc on est dans l'Église et la cible de toutes les attaques. Elle a perdu beaucoup de pouvoir et la République finit d'achever finalement le catholicisme dans sa puissance temporelle et même spirituelle. Donc c'est en effet une société en déclin qui est objet de fantasmes et d'attaques. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, Emmanuel Cray, que justement dans tous ces romans, dans toutes ces productions autour de la question du pape et du Vatican, il y a toujours du complot, de la conspiration, du secret ? Alors, parce que le Vatican est une maison déjà un peu secrète. Le Vatican est rempli de mystères et sans doute même l'expression de la prose vaticane est à des moments remplie de mystères. Si on lit les déclarations pontificales, il y a toujours des ambiguïtés, des doutes possibles, des interprétations. Enfin, évidemment, la société laïque et républicaine a besoin de se construire sur un adversaire. Et puis il faut aussi voir que les idées conspirationnistes sont définies par leur caractère supranational, supratemporel. L'Église est elle-même une institution supranationale, d'une certaine façon supratemporelle, ou qui a un temps particulier qui ne correspond pas tout à fait au temps du siècle. Et elle devient, évidemment, elle nourrit l'imaginaire. Et alors, dans ces littératures-là, dans ces littératures du 19e, quels sont les complots ourdis par le pape, généralement ? Ou par le Vatican, en tout cas ? Alors, le complot est un asservissement de l'État, généralement, à divers degrés. Alors, ça dépend si vous voulez faire une œuvre purement littéraire. Évidemment, les jésuites, chez Ensu, ont un complot de domination globale. Voilà. Ça peut aussi être instrumentalisé très pratiquement, hein, dans des cas de politique concrètes, pour attaquer tel ou tel député qu'on accuse d'être au service. Et dans ce cas-là, ce complot, c'est de principalement remettre la société dans un état d'ancien régime. Quelle est la prochaine étape ? Avec lui, c'est toujours Sophie. Quelle est la prochaine étape ? Des énigmes, des codes. Mais peut-être qu'il y a une piste du côté du prieuré de Sion. Espérons que non. Toutes les histoires liées au prieuré ont fini dans un bain de sang. Ses membres ont été massacrés par l'Église. Tout a commencé il y a près d'un millier d'années, quand un roi de France a conquis la ville sainte de Jérusalem. Cette croisade, qui fut l'une des plus imposantes de l'histoire, avait en fait été orchestrée par une confrérie secrète. Le prieuré de Sion et son bras armé, les chevaliers du Temple. L'ordre du Temple a pourtant été créé pour protéger la ville sainte. Souvent les gens se disent, mais oui, le roman sur le Vatican, c'est le Da Vinci Code, c'est Dan Brown. Or, le Da Vinci Code ne se passe pas du tout au Vatican, mais qu'est-ce qui relie ce roman au Vatican, et puis qu'est-ce qui relie surtout ce roman à toute cette longue histoire des théories complotistes et du complot du Vatican ? Alors, en effet, le roman ne se passe pas du tout au Vatican, mais on a quand même l'Opus Dei qui est présente et qui symbolise finalement l'adversaire du héros. Alors le Vatican envoya des missives contenant des ordres secrets et destinés à être ouvertes simultanément dans toute l'Europe. Le pape y dénonçait les Templiers. Le Da Vinci Code se rattache à toute une littérature de type néo-occultiste ou occultiste contemporaine, notamment l'énigme sacrée, etc., etc., qui reprennent l'histoire du prieuré de Sion, qui est une fiction inventée par Pierre Plantard, un occultiste du milieu du XXe siècle. C'est une association d'habitants d'immeubles à loyer modéré. Voilà, qui par une mystification faite par ce fameux Pierre Plantard et le dépôt opportun de certains documents à la Bibliothèque nationale permet de créer une illusion d'une société secrète dont évidemment Pierre Plantard se proclame lui-même le dernier tenant et le dernier grand maître après des gens aussi prestigieux que Léonard de Vinci, etc., etc. Cette histoire du Da Vinci Code finalement reprend l'histoire de ce prieuré de Sion, reprend tout un ensemble de représentations occultistes. Donc regardez, le Da Vinci Code, c'est ces éléments-là, avec sans doute une part d'anticatholicisme protestant américain. Qui fait du Vatican finalement le lieu du mensonge, du complot, de la dissimulation. Il n'y a qu'à lire la presse italienne vaticane spécialisée pour voir que ça n'a pas grand-chose à envier à la vie politique de n'importe quel État. Je pense, le conspirationnisme se nourrit à la fois d'éléments de la réalité pour être réintégré dans un vaste récit, hein. Et évidemment, les éléments concrets se mélangeant avec les lacunes historiques ou les questions sans réponse vont permettre de, entre guillemets, remplir ces questions sans réponse et les intégrer dans un récit historique alternatif. La Tour des Vents est une tour du XVIe siècle dans le palais pontifical. Ronde et massive, percée de rares fenêtres qui ouvrent sur les jardins du Vatican, elle a servi d'observatoire au moment de la mise en place du calendrier grégorien, et au sol, il y a encore la ligne de marbre blanc qui servait de cadran solaire. On rejoint le sommet de la tour par des dédales de couloirs et d'escaliers dérobés. Arrivé en haut, les murs sont couverts de fresques bucoliques et verdoyantes, il y fait frais, et on est dans ce qui était la chambre de Catherine de Suède, tout juste convertie au catholicisme. Cette pièce dans les hauteurs est devenue le bureau du père Brouguès, qui dirige la bibliothèque vaticane et les archives secrètes du Vatican. Un endroit qui fait totalement fantasmer les romanciers complotistes. Alors pourquoi secrète ? Le mot secret fait fantasmer. Un certain Dan Brown a écrit un livre qui s'est très bien vendu, qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Évidemment, l'archive du Vatican n'a pas vu un centime de cet argent, mais n'a même pas vu le personnage. Il n'est jamais venu chez nous. Donc, imaginez qu'il y a dans ces archives des secrets qui concernent l'avenir de l'humanité ou les origines de l'Église. C'est de la pure fantaisie qui se vend bien. Alors, secret veut dire simplement, selon le latin secretum, à la discrétion de. À la discrétion de qui ? Du pape. Donc ce sont les archives à la discrétion du pape, comme il existe des archives dans tous les pays qui sont des archives d'État. Alors il faut dire que existent parallèles l'une à l'autre deux institutions, la bibliothèque du Vatican, dite bibliothèque apostolique, et les archives. Ces deux institutions, au fond, remontent à l'origine du christianisme. Parmi les phrases de l'Évangile qui, me semble-t-il, ont le plus de poids, on trouve celle-ci. « Faites cela en mémoire de moi ». On pourrait dire que la fonction de l'Église, c'est de célébrer la mémoire. Alors évidemment, il y a plusieurs manières d'approcher la mémoire. Il y a ce que j'appellerais la mémoire des lieux. Au fond, le chrétien aimerait retrouver les paysages que le Christ a connus, voir la même lumière, sentir les mêmes odeurs, peut-être passer à côté de tel ou tel monument que lui-même a pu rencontrer dans son existence. Je dirais que c'est un peu la mémoire amoureuse. Quand quelqu'un que l'on aime nous a quittés, on aime bien retrouver les lieux où il a vécu ou les objets qui lui ont appartenu. Il y a ensuite la mémoire de proximité. Au fond, on veut rendre visite à des gens qui ont connu le Christ, et ainsi s'explique la notion chrétienne de pèlerinage. On va rendre visite à des voisins, d'une certaine manière, du Christ, afin de devenir son voisin. Et puis il y a la mémoire, troisième mémoire, la mémoire des écrits. Il est significatif que la toute première génération chrétienne ait voulu mettre par écrit ce que le Christ avait dit, ce que le Christ avait fait. Donc il y a le souci de transmettre aux générations futures un patrimoine écrit. Et de fait, lorsqu'on persécute les chrétiens, on les massacre, mais aussi on brûle leurs écrits. Lorsque les persécutions cessent, l'Église vraiment prend soin de protéger ses écrits. Ces écrits, ce sont les écrits liturgiques, ce sont les récits des martyrs des saints, ce sont les contrats, ce sont les donations. On conservera les traités, les accords entre le pape et les souverains de l'époque. Donc, nous avons deux institutions qui naissent par souci de la mémoire. Le pape Léon XIII, donc nous sommes à la fin du XIXe siècle, décide d'ouvrir aux chercheurs et la bibliothèque et les archives, pontificat par pontificat. L'ouverture des archives est une décision politique dont seul le pape est à même de donner cette permission. Tout est ouvert, à l'exception de ceux qui concernent la vie privée des personnes. Alors justement, si on tourne, Mgr Brouguès, autour de cette question des archives secrètes, de ce que ça engendre comme fantasme, de par justement ce petit mot « secret » qui reste toujours accolé au terme des archives du Vatican, sur cette question de l'ouverture et de la fermeture, il y a eu donc les archives de Pie XII, du pontificat de Pie XII, qui ont été ouvertes à certains chercheurs, à quatre jésuites, pour justement travailler sur ces questions de, du comportement, de ce que Pie XII avait mis en œuvre ou pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les gens ont dit, voilà, on n'a pas tout publié, donc si on n'a pas tout publié, c'est que c'est secret. C'est qu'il y a des choses à cacher. Alors, de laisser filtrer des choses, des éléments d'un pontificat sans ouvrir la totalité, c'est, je crois, enfin je suis sûr, nourrir le soupçon. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de ces archives secrètes, les noms qui reviennent le plus, c'est la question des Templiers, la question de Galilée, la question du pontificat de Pie XII. C'est ça finalement qui revient le plus souvent dans la polémique, et c'est finalement une vision assez sombre, assez noire de ces archives pontificales. Je crois qu'on ne peut pas mettre, ces faits historiques sur le même plan. Le procès des Templiers est un procès instruit en France. Nous avons, nous, des documents, mais nous avons une partie, la totalité du procès ne se trouve pas chez nous. Et ce procès est ouvert aux chercheurs. N'importe qui, aujourd'hui, peut avoir accès à ces documents sans aucune retenue. C'est-à-dire, nous ne mettons pas de côté des choses qui pourraient être, compromettantes pour la réputation de l'Église. Vous savez, ça fait 2000 ans, elle en a vu d'autres. Le procès de Galilée, qui est un procès non pas scientifique, mais un procès théologique, car l'accusation était de nature théologique et pas du tout scientifique. L'Église n'a pas la possibilité de se prononcer sur des questions scientifiques, est aussi ouvert au public. Donc, on peut faire le jugement que l'on veut, mais faisons un jugement sur des faits précis. Ces faits tels que nous les avons conservés dans les écrits sont ouverts à tout le monde. Le pontificat de Pie XII sera ouvert à tout le monde, et ce qu'on peut souhaiter, mais c'est vrai pour toute enquête historique, c'est que celui ou ceux au pluriel qui travaillent ces questions le fassent avec la plus grande honnêteté intellectuelle. C'est tout ce que nous demandons. Vaste embrasement, immense contagion sainte que la religion à Rome. Tous y rencontrent pour vaincre et conquérir une âme. À ce moment où Madame Gervaisé se sentait touchée d'un commencement d'illumination, son passé à Rome, les premiers jours de son séjour lui revenaient. Ses premières stations dans les églises, sa passion pour leur marbre, elle commençait à reconnaître qu'elles avaient été comme une rencontre et une première liaison avec les douceurs religieuses. Elle retrouvait présente à son esprit, revivante à ses yeux, cette visite à Saint-Pierre, où la main de son enfant lui avait fait lire, dans du soleil, les mots d'or « Tu es Petrus, et super hanc Petram ». Le dimanche des Rameaux, le miséréré de la chapelle Sixtine, elle s'en apercevait, avait été en elle au-delà de sa sensibilité de femme. Ils avaient continué au fond de son être l'œuvre de Rome. Extrait de Madame Gervaiset, des frères Goncourt. Madame Gervaiset, c'est à la fois un hommage à Nephtalie de Courmont, qui était la tante d'Edmond et Jules de Goncourt. Jean-Baptiste Amadieu. Et Edmond a été très marqué par sa tante, qui était une femme d'intelligence, de culture, de goût. Et sa tante s'est convertie lors d'un voyage à Rome. Et en même temps, la volonté de parler de Rome, d'écrire un roman anticlérical. Et donc finalement, les deux projets s'unissent pour écrire ce roman qui est le dernier écrit à quatre mains puisque Jules meurt l'année suivante. Donc Madame Gervaisé est un roman qui paraît en 1869, donc à la fin du Second Empire, qui raconte l'histoire d'une Parisienne, Madame Gervaisé, qui se rend à Rome pour des raisons de santé. Elle souffre de l'aphtisie, c'est-à-dire l'équivalent de la tuberculose. Donc son médecin parisien lui conseille le soleil, le bon air de Rome. Et progressivement, la ville, c'est important, la ville de Rome l'envahit. Et on pourrait même dire, si on utilise un terme contemporain qui aurait été un néologisme à l'époque, la harcèle. C'est une véritable sorte de harcèlement moral qu'exerce la ville sur Madame Gervaisé, qui progressivement y perd son intelligence, sa sensibilité, son goût, et même c'est la partie peut-être la plus insupportable à la fin du roman, il perd son instinct maternel. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce roman présente plusieurs aspects, plusieurs regards sur le Vatican, sur le pape. Un Vatican mystérieux, inaccessible, et puis tout un réseau de prélats, de confesseurs, de conseillers, jésuites pour certains, très très néfastes, qui sont en train d'essayer de perdre cette femme finalement. Oui, alors c'est une analyse, on pourrait dire, du Vatican psychologique, puisque c'est le roman d'une âme, de la dégradation progressive d'une âme sous l'influence du clergé. Donc, il s'agit moins de raconter au fond des intrigues de couloirs comme on peut avoir dans Rome de Zola, mais de montrer l'action psychologique du clergé. Alors effectivement, le roman est centré sur deux figures. Deux figures de prêtres, de confesseurs. D'abord le jésuite, le père Giansanti, puis ensuite un trinitaire, le père Sibylla. Alors comment en vient-on là, si je puis dire? Madame Gervaiset est de formation plutôt anticléricale, elle est intelligente, elle a lu Kant, mais sous l'influence de la ville, de ses manifestations, y compris les plus grossières, les plus spectaculaires, puisqu'elle assiste à une procession où nous avons une sorte de mélange de dévotion et de foire. Et Madame Gervaiset, au début, répugne à cette spiritualité spectaculaire et grossière, et finalement se laisse progressivement envahir, au point qu'elle commence à douter de la supériorité, de la science, de la raison, de tout ce à quoi elle croit, jusqu'à ce qu'un événement la fasse basculer. C'est une grave crise de maladie de son fils. Deux romaines lui expliquent qu'elles vont aller prier à San Agostino pour la santé de son fils, et son fils est guéri. Et l'idée du miracle commence à lui traverser l'imagination, mais il y a aussi un terreau favorable. Chez la femme. En raison de cette maladie, oui, chez la femme, parce qu'il y a de la misogynie chez les Goncourt, mais aussi dû à la maladie. À la maladie, puisqu'elle a des crises d'hallucination, des délires, avant même sa conversion. Donc, il y a un terreau favorable de sa part qui la conduit finalement à vouloir être dirigée par ce jésuite. Et ce jésuite l'invite à couper avec toutes ses anciennes amitiés. Elle va non seulement l'accepter, faire ce que lui demande ce père jésuite, mais même le trouver encore trop indulgent. Il y a dans plusieurs romans du XIXe siècle des figures comme ça de jésuites particulièrement retors. C'est un lieu commun du XIXe siècle. Alors c'est à la fois Emmanuel Creys, un lieu commun de l'anticléricalisme du XIXe siècle qui cible quelques grandes figures au sein de l'Église. Alors le pape lui-même évidemment, mais principalement justement pour des productions colorées de complots et de volonté de domination obscure de l'Église. Cet anticléricalisme débouche sur des applications pratique. Je rappelle que les jésuites ont été au XVIIIe siècle chassés par Louis XV du royaume de France avant d'être réintégrés en 1814, mais c'est une autre question, et que le Vatican lui-même a dissous à un moment la Compagnie de Jésus. Donc voilà, donc les lois sur les congrégations et dans la foulée les tiers ordres, donc ces ordres qui obéissent à certains éléments de règles sans être en étant laïques, ont été l'objet de fantasmes extrêmement importants. Alors, il y a une vraie puissance des jésuites et un vrai succès. Bon, je passe sur les éléments spécifiques aux jésuites, notamment toute la question de l'enseignement, qui fait que, justement, vu que c'est les précepteurs des puissants, ils jouent finalement un rôle de cour. Ce qui fait florès chez les jésuites, c'est aussi que les jésuites ont été stigmatisés à la fois par le camp anticlérical, entre guillemets, mais également par l'Église elle-même. Donc sans doute c'est un thème qui est partagé par des sphères assez larges de la population. Dans l'Église du Jésus, il y a un confessionnal, le second à droite, quand on entre par la porte de la Via del Jésus. C'était le confessionnal où régulièrement, le mardi et le vendredi, le père Giansanti recevait la confession de Madame Gervaiset. Souvent, il y passait près de 2 heures. 2 heures pendant lesquelles, du confesseur secret, caché, ténébreux, invisible, enfoncé et disparu là, sans tête et sans visage, ne paraissait qu'une main qui tenait renversé le petit volet derrière lequel le père écoutait masqué. Une main qui ne bougeait pas. Une main grasse et pâle, sans fatigue et sans mouvement. Une main impassible, coupée et clouée au bois. Une main qui faisait peur à la fin, comme une main morte et une main éternelle. Des idées tortueuses, ombrageuses, des appréhensions ténébreuses se glissaient au fond de la femme. Elle se torturait à creuser le noir tourment des suppositions, des conjectures, des hypothèses, des jugements mauvais. Longuement empoisonnée d'une crainte de tout et de tous, elle se mettait en garde presque haineusement contre les personnes qui lui étaient le plus dévouées. Rome, d'Émile Zola. Alors on peut évoquer peut-être aussi un autre roman, un roman alors peut-être qui a été mis à l'index, le roman d'Émile Zola, Rome, qui là aussi décrit une Rome cruelle, un pape à la fois froid, à la fois manipulé finalement par son entourage, un entourage qui est vraiment une cour princière pratiquement. Là aussi, il y a beaucoup de scènes d'idolâtrie, de superstition, des complots, des manipulations. Beaucoup de pages aussi sur la richesse du Vatican, sur la manière dont le pape et le Vatican essayent d'arracher leur argent aux fidèles. Et puis encore là aussi, des complots jésuites en pagaille. Oui. Alors effectivement, le roman de Zola, comme celui de Goncourt, montre le Vatican comme une machine à broyer. Jean-Baptiste Amadieu. Zola est peut-être plus dans la sociologie, dans la description des rouages, des manœuvres derrière les coulisses, de tout ce qui peut se tramer dans le Vatican. Pour ce roman, Zola s'est beaucoup documenté. Et on le sent, quand il parle de l'index, il sait de quoi il parle. Il s'est beaucoup documenté, mais il aurait voulu, sans vraiment le vouloir, rencontrer le pape Léon XIII. Alors l'entrevue est racontée dans le roman, même si cette audience n'a pas eu lieu. Zola voulait cette audience sans vraiment la vouloir, parce que tout le cérémonial, précisément, qu'il va critiquer dans le roman, lui déplaît. Il voudrait qu'on lui oppose un refus. Du côté de Rome, on est aussi très embêté. Si jamais il y a une demande d'audience qui vient de la part de Zola, que fait-on ? Donc, il dirige l'intrigue vers toute autre chose, c'est la congrégation de l'Index, qui est une illustration de cette intolérance romaine, surtout que Zola, en 1894, a été pour la première fois mis à l'index pour son roman Lourdes, qui précède le roman Rome. Pierre Froment, ce jeune abbé qui est le héros de la trilogie des trois villes, Lourdes, Rome et Paris, est un double de Zola. Zola, il est socialiste. Et il est socialiste. Il finit socialiste. Il jette la soutane aux orties volume Paris. Voilà. On sent à la fin de Rome que la soutane n'est pas loin d'être jetée aux orties. Et il cherche à réformer le catholicisme, le régénérer. Et il écrit un ouvrage qui va dans ce sens, La Rome Nouvelle, qui est dénoncé auprès de l'Index. Il en est informé. Il se rend donc à Rome pour pouvoir défendre son livre. Et là, il va se heurter à un mur, un véritable mur. Oui, finalement, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est le portrait du Vatican qui est brossé par Zola, donc un Vatican complotiste, manipulateur, sournois, finalement pétri de mauvaises intentions, qui complote même contre le pape. Il y a une vision du Vatican qui est terrible dans ce roman. Oui, c'est-à-dire le Vatican n'est pas ce qu'il est, puisque Pierre pense de bonne foi que son livre, La Rome Nouvelle, sera jugé pour ce qu'il est, et il veut expliquer ses intentions. Il se rend très vite compte, d'une part, qu'il n'y a pas de dialogue possible, mais surtout que ce qu'on vise, c'est moins ses intentions et son livre que le cardinal archevêque de Paris, le cardinal Bergerot, qui a accepté de préfacer son ouvrage et qu'il s'agit en réalité d'un conflit interne à l'Église, conflit assez violent, dont le livre de Pierre Froment n'est qu'un prétexte. Quelle était la réception, le succès de cette littérature anticléricale à l'époque? On peut penser à Eugène Sue, on peut penser à d'autres auteurs que vous avez cités, donc là au frère Goncourt, à Émile Zola. Quelle est la réception de cette littérature et quelle est la réception de cette image du Vatican et de la papauté? C'est une littérature qui est populaire, littérature même industrielle, pour reprendre l'expression de Sainte-Beuve, puisque c'est une littérature qui paraît en feuilleton dans les journaux. C'est surtout à travers la presse, à travers les feuilletons, que l'on a accès à cette littérature qui connaît un grand succès. un grand succès qui correspond à un certain nombre d'idées ou de fantasmes que l'on a sur le clergé, en particulier sur les jésuites, qu'on se représente comme des sortes de vampires en soutane, pour reprendre une expression de Philippe Muret à cette époque. Alors bien sûr, pas dans les milieux catholiques. Zola explique, je vous parlais tout à l'heure du journal des Goncourt, il explique à Edmond de Goncourt que la mise à l'index, je ne sais pas comment il fait ce calcul, mais il pense que la mise à l'index lui a supprimé 80 000 lecteurs potentiels venus des milieux catholiques. C'est encore un coup des jésuites. Oui. Est-ce que vous pouvez nous bénir les Français à travers la caméra? Ah oui, ça va bien. Alors... Je vous offre une bénédiction de tout mon cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La pause. Il va donc falloir reprendre la pause, comme tous les jours. Alors que je ne suis que pause, puisque je suis le pape. Elle, de Jean Genet. 3 millions multipliés par 5, cela fera mon image tirée à 15 millions. Oh, il n'y a pas de quoi féconder le monde, mais enfin, c'est un bon début. Mais quelle pause pour commencer? Pour le moment, je ne suis plus le pape, ou ne le suis pas encore, puisque vous ne m'avez pas donné l'attitude ni le geste qui me fixeront en pape. Donc, je ne suis rien. Étrange état d'ailleurs, celui de l'attente de la conception. Je ne suis rien encore. Baissez mes bras, levez mon pied, désarticulez mon cou. Tendez ma joue gauche, tendez ma joue droite, inclinez mon buste, tirez ma langue. Mais faites de moi un pape pour 15 millions d'hommes. Les papes vivent aussi dans la fiction. On peut les croiser chez Moretti, chez Coppola, chez Fellini, chez Gavras, chez Little, chez Pérez Reverte ou chez Zola. Ils peuvent prendre les traits d'Anthony Quinn, de Terence Stamp, de John Doman, de Jeremy Irons ou de Michel Piccoli. Ils peuvent même être des femmes, comme la papesse Jeanne, imaginée au Moyen-Âge. Le pape se prête à la fantaisie. Il disparaît presque derrière sa fonction, on n'a plus qu'à l'inventer. C'est ce qu'a fait Jean Genet, un pape qui ne serait que la figure du pape, qui ne serait que sa fonction, son image, qui n'aurait plus rien d'humain ou d'incarné, un pantin qui ne serait plus qu'une représentation. Et c'est ce pape un peu scatologique que Bruno Bayen a mis en scène, un pape femme d'ailleurs, sa sainteté, incarnée par Maria Cazares. C'était pas un pape historique, c'est le pape. Bruno Bayen. Et donc j'avais décidé de suivre d'ailleurs une chose qui est dite dans le texte, que... son vêtement, la soutane papale, n'a pas d'eau. Ce qu'il est obligé à jouer de face tout le temps. Ce qu'il dit dans le texte, qu'en fait, il n'a qu'une demi. Le pape n'a qu'une demi-soutane. Est-ce que justement, peut-être, vous pouvez, pour les auditeurs, résumer un peu la trame de cette pièce de Genet, de ce texte? Un photographe juif vient photographier le pape qui. Un divague sur le fait de n'être rien ou de pouvoir s'incarner partout, de pouvoir s'incarner en morceaux de sucre, ce qui serait comme une hostie laïque. Et ensuite apparaît un deuxième photographe qui lui était chargé de photographier le photographe photographiant le pape. Il y a cette question de l'image et puis il y a aussi cette, on sent cette jubilation de Genet à jouer, à casser les images. Oui, puis elle joue avec aussi tout un vocabulaire sur... Bon, quand elle dit « je lâchais une bulle sous la plume de Genet », ça ne s'entend pas pareil que si c'était sous la plume d'un cardinal. Il y a ce côté scatologique aussi. Oui. Puis c'est toujours, c'est vrai que le pape, c'est toujours un sujet qui est tentant. Il y a un côté mythique du pape. Puis si on pense à toute l'Église, à toute l'histoire de l'Église, comme des choses les plus étonnantes, c'est le pape Formose, par exemple. Mais c'est cette histoire. Allez-y, racontez. Ce pape a été vers l'an 1000, je ne sais pas quoi exactement. Il était exhumé, son cadavre a été jugé. Puis on allait le mettre dans le Tibre, je crois qu'on l'a récupéré et gracié, puis on l'a remis dans le Tibre. Il l'a recondamné. C'est quand même, il faut être au Vatican pour imaginer des histoires pareilles. On m'avait frappé aussi le. la fin de Jean-Paul II, qui a été quand même bon, très important. C'est, il finit par effectivement incarner le tableau de Bacon, le cri. La dernière image qu'on aura de lui vivant, c'est quand il criait sans pouvoir parler sur le balcon de Saint-Pierre. Et c'est très proche des tableaux de Bacon sur le cri. Cette puissance, cette réalité me viennent de mon image. Sans elle, je n'aurais pas ce pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit. J'établis donc que n'importe quel objet pourrait me représenter. Si n'importe quel visage, épaule, tempe, peuvent être du pape, n'importe quoi le sera tout entier. Je cherchais quel objet donnerait de nous et de notre auguste absence une idée juste. Je songeais d'abord à un dé à coudre, à une girafe en pluche, à une brosse à habits. Nous allâmes plus loin, et jusqu'à cette idée que nous-mêmes n'étant pas, c'est un rien qui nous représenterait le mieux. Rien ? Difficile à saisir. Heureusement, dans notre quête angoissée, nous vint à l'esprit l'idée d'un objet de conservation courante. L'idée d'un bout de sucre. Ravi, je lâchai une bulle célèbre et secrète, établissant, réglant, codifiant les pouvoirs représentatifs du bout de sucre. Ainsi, dans tous les lieux du monde et à chaque seconde, des millions de fidèles font de mon image une consommation invraisemblable. Au lieu de recevoir des kilos de photos d'un vieillard, les couvents, les presbytères, les bistrots, les casernes, les maisons de correction, les parlements, les gares, les aérodromes, reçoivent des tonnes de bouts de sucre blanc, image idéale de notre candeur. On nous met dans une tasse de café chaud, de lait, de camomille. On a fondu. Un gosse, une vieille nous croque. Plus de pape. Fin du chant 3 des sanglots du pape. Il y a aussi tout un discours qui met en parallèle cette fausseté, justement, cette mise en scène de la papauté et le théâtre. C'est-à-dire qu'on ne peut, quand on lit la pièce, on s'est renvoyé aussi à la question du décor, des ficelles. Oui, le décor, on avait fait, en fait, on avait choisi à l'époque de faire un. C'était comme le soufflet d'un appareil photographique énorme. Elle arrivait d'ailleurs par le curateur, je veux dire, elle, le pape. Puisque, évidemment, toute la pièce joue, quand même, il faut le rappeler, sur elle, c'est le pape, puisque c'est sa sainteté. Et sur cette idée du morceau de sucre qui représente le pape, c'est-à-dire qui fait que le pape est partout, le pape est universel, puisqu'il est un morceau de sucre, il est tout et rien à la fois. Effectivement, on peut se demander, il y a des timbres du pape, des monnaies avec le pape, des je sais pas quoi, la présentation à l'infini. Il y a quand même une. De la part de Genet, une référence à l'hostie aussi. Donc. Et on ne peut qu'avoir un sourire, par exemple, quand on se promène. Je l'ai vu dans des grandes sacristies d'église italienne. Vous vous promenez là, et puis arrive un prêtre avec des sacs de plastique de futures hosties. Ça, c'est comme du sucre. Mais cette trivialité, finalement, cette magie, c'est-à-dire que cette mise en scène, ce faux, devient, par on ne sait quelle opération, du Saint-Esprit, peut-être, devient réel, c'est-à-dire devient la réalité, finalement. Mmh. Cette mise en scène réussit un peu comme au théâtre aussi, c'est-à-dire que ça marche. Oui, mais de toute façon, je trouve que le développement de la papauté depuis, principalement depuis Jean-Paul II, quoi, ça avait commencé un petit peu, mais enfin, c'est aussi c'est de l'ordre de la pure représentation. C'est-à-dire, au fond, le côté cérémoniel, on peut... C'est avant Vatican II. Oui. Je pense qu'il y avait une pompe qui était beaucoup plus importante et qui a été remplacée, au fond, par l'apparition médiatique de partout. Je veux dire, les voyages du pape, etc., etc. Donc, évidemment, ça donnait un côté plus comique, la grande pompe, parce qu'on sentait quand même déjà, même dès cette époque-là, que c'était un peu usé, que c'était bien usé. Papa mortus est. Le pape est véritablement mort. Ces mots prononcés par le cardinal Tisserand à la mort de Pie XII sont ceux qui sont dits à la mort de chaque pape. Depuis des siècles, un protocole complexe entoure le pape jusqu'à la mort. Ces mots « le pape est véritablement mort » déclenchent un mécanisme précis qui permettra l'élection d'un nouveau pape. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner ? Quel drôle de nom ! Pourquoi pas libellule ou papillon ? Vous n'avez pas bien compris. Je recommence. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner ? Quel drôle de nom ! Pourquoi pas libellule ou papillon ? Vous n'avez pas bien compris. Je recommence. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner ? Quel drôle de nom ! Pourquoi pas libellule ou papillon ? Marie Roussin, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous en êtes venue à travailler sur cette série sur Borgia ? Comment est-ce que le projet est arrivé jusqu'à vous ? C'est vraiment une série sur la famille Borgia et le rapport de Rodrigo, qui est un Espagnol qui devient pape dans la Renaissance italienne et qui reconnaît 4 enfants comme ses enfants légitimes et ce qu'il va faire de sa famille. C'est vraiment, je pense, la famille est complètement au cœur de la série et le rapport du père avec ses enfants. Et c'est un homme éminemment intelligent, un grand stratège, un brillant stratège politique. Et ensuite, il avait ce lien très très fort avec ses enfants et sa lignée. En fait, tout était dans la lignée, c'est-à-dire que ce qui est assez intéressant pour le Vatican d'ailleurs, hein, et le pouvoir qu'il a pu avoir pendant sa vie ne suffisait pas. Il fallait se dire que Borgia allait continuer pour les générations et les siècles à venir, et pas seulement le temps de sa vie. Bon, c'était un grand gourmand de la vie, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui n'était pas du tout rare à l'époque, hein, que les papes aient des vies sexuelles, c'était pas... Enfin, la vraie originalité, c'était le fait d'avoir reconnu ses enfants. Ensuite, c'était un... Avant d'être pape, il était cardinal. Donc, c'était quelqu'un de très puissant, qui avait beaucoup d'argent... des femmes, les plus belles, la Vanozza, puis Giulia ensuite. Rome est en danger. Les jours du pape sont comptés. La famille Colonna ainsi que la famille Orsini espèrent nommer le prochain pontife. Ils vont s'emparer des ponts, des routes, des châteaux qui nous entourent. Nos destins, nos vies elles-mêmes seront en danger. À moins que les deux familles se concentrent sur un seul ennemi. J'ai raison, mon oncle. Oui. Et cet ennemi est le cardinal de la Rovere. J'ai raison, mon oncle. Oui. Juan, je veux que tu ailles voir Virginio Orsini. Écoute-le. Fais preuve de compassion, partage tous ses griefs. Persuade-le que les Borgia sont de son côté. Cesare. Va voir Fabrizio Colonna, tu lui feras croire la même chose. Montez-les contre Della Rovere. Vous êtes les fils de la famille Borgia. J'ai foi en vos talents et votre discrétion. Partez, que Dieu vous garde. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire, Marie Roussin, ce que vous gardez maintenant comme image, comme perception de ce pape Alexandre VI, de ce pape Borgia, qu'on considère généralement comme... enfin, en gros, ce qui reste dans les mémoires, c'est que c'est un abominable débauché, point. C'est finalement ce qu'on retient. Vous, après avoir travaillé comme ça aussi longtemps, avoir cohabité avec cette histoire, avec la complexité de cette histoire, vous le voyez comment ? Vous le décririez ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent justement de cette rivalité avec Jules II. C'est-à-dire qu'on est encore quand même dans une époque où on peut effacer des traces et réécrire l'histoire encore plus, disons presque encore plus radicalement qu'aujourd'hui. Jules II, qui détestait viscéralement Borgia, a voulu qu'après lui reste cette image de débauché et que ça s'arrête là, en fait. C'est intéressant d'aller plus loin, évidemment. Il y a tout le reste à découvrir. C'était un mécène, c'était un homme brillant. La débauche, elle n'était pas vraiment... je pense que ce n'était pas une spécificité purement de cet homme-là à l'époque. Donc moi, j'ai une image d'un homme qui aimait ses enfants, qui savait utiliser la violence, qui savait manier la peur de ses sujets, qui savait manipuler à merveille. Mais du coup, aujourd'hui, on dirait un fin psychologue, mais en fait, essentiellement quelqu'un d'intuitif. C'était un fin connaisseur de l'âme humaine, je dirais. Et ensuite, un amateur des plaisirs, de la chair. Alors, j'ai de la sympathie pour lui, j'ai de l'admiration. Je pense que ça a été un grand pape. Il a pris des décisions politiques qui ont rendu le Vatican plus grand, plus fort, plus puissant et... qu'avant. Donc oui, j'ai de l'admiration, de la fascination. Moi, j'ai passé, plusieurs mois de ma vie avec Rodrigo Borgia dans sa famille, avec ses enfants, à dialoguer des scènes avec eux. Oui. J'aimerais bien le rencontrer. Voilà. Il me fascine. Lucrezia ! Lucrezia, tu ne m'as pas entendu t'appeler ? Si, maman. Alors pourquoi tu ne m'as pas répondu ? Il y avait cette exposition il n'y a pas longtemps au musée Carnavalet. Tom, qui a vu vraiment énormément de matières, de documents sur les Borgia, n'avait pas vu la mèche de cheveux de Lucrezia qui était exposée. Bon, il en a pleuré. Enfin, c'est d'émotion. C'est vraiment... pour lui, c'est il n'y a rien de plus émouvant que de voir ce personnage sur qui il a tout lu, qu'il a écrit dans sa série créée, donc aimé évidemment profondément. Et puis là, il voit une mèche de cheveux de la vraie Lucrezia Borgia. C'est... voilà. Maintenant, je vous en supplie, vous devez faire acte d'obéissance au Seigneur. Revenez avec nous. Un milliard de personnes vous attend maintenant. Mais on ne peut pas faire en sorte que je disparaisse. Disparu. Rien de tout ça n'a jamais eu lieu. Personne ne m'a jamais vu. Et on ne me verra plus. Je vous le promets. Maintenant, laissez-moi partir, je vous en prie. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Mais la situation est devenue maintenant très, très grave. Et moi, je ne peux plus me taire. C'est sans doute une faute que j'ai commise. J'avais voulu, pour le bien de tous, tenter de résoudre une situation particulièrement difficile. Mais afin de pouvoir le faire, je vous ai menti à tous. Depuis 3 jours, le pape n'est plus ici avec nous. Non, il est parti. Alors peut-être on peut aborder maintenant Jean Gilly, le film le plus récent qui a mis vraiment là en scène le Vatican dans toute sa splendeur, la papauté et puis tout le décorum, c'est celui de Nanni Moretti, Habemus Papam. Habemus Papam. D'abord, Moretti est sensible au décorum. Moi, j'ai rarement vu des représentations du Vatican et notamment du conclave et notamment de l'assemblée des cardinaux représenté de manière aussi éblouissante du point de vue visuel. Donc je crois que pour un cinéaste soucieux de représentation, quoi de plus extraordinaire que la représentation de la pompe ecclésiastique, la simple représentation de ces cardinaux dans ce rouge qui à l'écran est vraiment une sorte de tachisme, dans des lieux qui sont sublimes là. Mais d'où naît l'idée d'un pape qui non seulement serait écrasé par la fonction qui lui est confiée, mais de surcroît la refuserait, prendrait la fuite, et qu'on fait appel à un psychanalyste pour essayer de comprendre quelque chose qui, pour le corps des cardinaux, est incompréhensible, d'où peut venir cette étrange attitude qui consiste, alors qu'on a passé sa vie dans une structure hiérarchique, de refuser le dernier échelon. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le cardinal Melville prend conscience que dans le fond, le pouvoir pontifical est un leurre et que dans le fond, la seule manière d'être en harmonie avec l'enseignement de la religion, c'est l'humilité, en totale discordance avec la façon dont est représenté le souverain pontife? Et c'est peut-être d'ailleurs d'une certaine façon reconnaître l'importance de cette fonction que de ne pas vouloir l'assumer si on est conscient qu'on ne l'assumera pas dans de bonnes conditions. Dans le fond, quand une institution, quelle qu'elle soit, accorde une telle importance à l'apparat, à l'apparence, il y a forcément la construction d'un personnage ou la construction d'une identité. Donc, il est certain que dans la fonction même ou dans la structure même de l'autorité pontificale, il y a une puissance de représentation qui fait que le donner à voir, qui correspond pas forcément à ce que l'on est réellement, est constitutive de la fonction elle-même. Parce que dans le film, le point culminant de la fausse représentation de la réalité, c'est de faire croire que le pape est enfermé dans ses appartements et de ne pas rendre officiel le fait qu'en réalité, il est en fuite. Donc, Moretti souligne, bien sûr, que la structure même de cette fonction impose une part de dissimulation, une part de jeu. Et dans le fond, Melville, s'il refuse d'assumer ses fonctions pontificales, c'est parce qu'il sent que, pour lui, la distance sera telle qu'elle ne sera pas supportable. Le premier souvenir d'un pape que j'ai, c'est du pape Jean XXIII, et notamment c'est le début du concile. Les soirs, quand le pape, sans être prévu, il a fait un discours qui est resté dans l'histoire, le discours de la lune. Parce qu'il y avait eu une sorte de célébration, de fête avec des flambeaux, et le pape était sorti. À la fenêtre, était apparu pour donner la bénédiction, et il y avait la lune, une nuit assez claire, et il avait dit que les gens qui rentraient chez eux devaient donner, quand ils rentraient à la maison, une caresse, surtout aux malades, en disant que c'était la caresse du pape. A casa troverete i bambini date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare a riprendere il nostro cammino. Rispondete alle mie parole e alle mie benedizioni. Sit nomen Domini benedictum. Et bonus vetus reinfectus. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Sit fecit aeternum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et dans la salle qui est en bas, il y a une petite machine qui donne des images sur les murs, lampada magica, une lanterne magique. Lanterne magique, qui vient du pontificat Alexandre VIII, qui avait des problèmes pour dormir. Alors, il avait cette lanterne magique au pied de son lit, et la nuit, il avait la possibilité de voir les images de la Passion du Christ. Alors, cette lanterne magique est toujours en bas, dans la salle des paramenti. À Jean-Baptiste Amadieu, Philippe Artière, Bruno Bayen, le père Brouguès, David Elkaïm, Lorenzo Gamarelli, Jean Gilly, Emmanuel Kreis, Frédéric Poimiro, Marie Roussin et les séminaristes Rodolphe et Vincent. Extrait des films Roma et la Dolce Vita de Fellini, Da Vinci Code de Ron Howard, Ainsi soit-il, série télévisée écrite par David Elkaïm et Vincent Poimiro, Borgia, série télévisée de Tom Fontana et Habemus Papam de Nanni Moretti. Extrait lu de Elle de Jean Genet, Madame Gervaiset des Frères Goncourt et Rome d'Émile Zola. Lecture Nathalie Canoui, Archivina Anaï Morales, stagiaire Marie Daroussin, traduction Sophie Benezek, coordination et site Marie-Vonne Abolivier, Aurélie Marseille, prise de son Christophe Goudin, Emmanuel Mortincamp, mixage Jason Taous. Dans l'ombre du Vatican, une émission de Perrine Kervran, réalisée par Véronique Samuilov.